pas la monde, pas compris la vie, la mort encore moins. J'suis qu'un terrien, qu'est-ce que ça signifie? Pas grand chose, voire même rien. Vite vaut rien, en gros galérien, on s'en bat les reins. Avec entrain, présent pour t'interpeller. Écoute bien, le micro pour se larme, j'aiguise ma lame, à coup de punchline. Émane pas d'état d'âme, essuie tes larmes et tire l'alarme. Te chie dans les poches et dans le crâne en freestyle au studio. J'm'évade, j'rappe, j'plane, on verra plus tard pour l'impro. J'ai pas de dico, j'te dis quoi, illico, monte le micro. Fais péter le son, mon gros, soir ce, j'veux m'envoler bien haut. J'ai le barreau sur ce morceau, j'les percute plus vite qu'une plaquette. Applique-toi si tu veux rapper, mec, et laisse tomber les pépettes. J'suis seul au mic, frère, c'est mon exutoire personnel. J'suis perso, ouais, pas trop tard pour un pétard, j'me perche au ciel. Moi j'aime que le rap, le spliff et la tease. Pour ceux qui connaissent, les idées partent, l'inspi se brise, mais j'ai claqué mon 16. Les idées partent, l'inspi se brise, mais j'ai claqué mon 16.